rentrée sans payer, l'émission mensuelle sur la gratuité et la culture libre. Et ça se passe où ? Radio Balade 101.8. Magasin gratuit. Je prends ce que je veux et c'est gratuit. Voilà. C'est gratuit. C'est gratuit. Bienvenue à tous sur l'émission Entrée sans payer, Radio Balade 101.8. C'est parti pour une heure de folie gratuite. De folie. Douce et gratuite. Alors, on commence dans un premier temps par un petit rectificatif, deux petits rectificatifs sur les émissions précédentes. Donc, dans l'émission, l'avant-dernière émission, il me semble, sur les réseaux d'hospitalité, on a parlé à un moment donné des réseaux d'information versus réseaux d'hospitalité, réseaux d'information sur l'hébergement. Donc, la question, c'est quelle différence ? Eh bien, réseau d'information, bon, il n'y a pas de... Le terme est probablement pas consacré, mais l'idée, c'est on va renseigner des informations sur de l'hébergement gratuit en général, sans forcément proposer son propre hébergement ou faire une proposition d'être hébergé. Voilà, c'est juste on référence des choses existantes. Sur l'hébergement, ça peut être des aires de stationnement gratuit pour camping-car, par exemple. On va y venir, justement. Et ça peut aussi être, par exemple, des terrains qui sont mis à disposition ou bien où il est facile de camper. Voilà, deuxième rectificatif. La dernière fois, on a invité le Parti Pirate. On a eu une discussion sur les libertés individuelles. Et à un moment donné, on a parlé de la liberté des enfants à disposer de leur corps. Alors évidemment, il s'agissait de la liberté, par exemple, de refuser la circoncision ou l'excision, par exemple, de subir des mutilations. Fred, c'est bien de ça dont il s'agissait Ouais, c'est un sujet de politique, parce que bon, aujourd'hui encore en France, il y a la mutilation comme la circoncision est toujours autorisée. Mmh. Or, ça va selon moi, contre un principe que chaque être humain est propriétaire de son corps. Or, ouais, cette circoncision, elle est faite sur les enfants qui, le plus souvent, sont des bébés même, qui peuvent même pas se défendre, quoi. Ouais, ouais. Dire non, ou... Voilà ce que je voulais essayer. C'était une manœuvre pour on va dire, introduire ce sujet-là, allez. Ouais. Bah, qui me semble important pour la société, quoi, parce que les gens sont marqués à vie, quoi, comme du bétail. Mmh. Voilà. Oui, oui. Vaste sujet qui peut évidemment susciter polémique, mais qui est intéressant à discuter et à traiter, quoi. Ouais. Alors, on introduit la question. Donc, aujourd'hui, on va parler. Essentiellement d'un problème très très pragmatique, très terre à terre. Donc ça me paraît en soi une démarche intéressante. Quand on pense à la gratuité, de se pencher sur des choses qu'on a autour de soi, qu'est-ce qui est payant, qu'est-ce qui est gratuit. Déjà de commencer à réfléchir à son environnement proche, quoi. Voilà, des choses locales. Et aujourd'hui, on est confronté à une privatisation rampante dans plein de domaines, notamment dans la liberté de circulation et dans la liberté de stationnement. Alors, un bon exemple concret aujourd'hui, c'est il y a à l'heure actuelle l'aire de stationnement donc dans la ville de Limoux qui va être privatisée est rendu, dont l'accès va être rendu payant pour les. Alors il y a deux aires hein, qui sont concernées et donc qui vont être dont l'accès va être rendu payant suite à des travaux qui ont été qui vont être réalisés par la mairie. Donc ça va être confié, la gestion va être confiée à une société privée. Voilà. Ah, d'accord, ouais. Mmh. Donc il y a, j'informe tout de suite qu'il y a une pétition qui circule pour s'opposer au projet. Donc elle est sur le site change.org. Je vous donne les références de la pétition. Donc c'est http://. Vous pouvez noter change.org/d-xm-xm-o-m-g-m-g-g-m-. Voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est important de signer cette pétition pour faire en sorte qu'on essayer de contrecarrer ce projet. Alors si vous voulez, je peux. Quels sont les deux sites concernés ? Parce que moi, je... Alors il y en a un qui se trouve en fait derrière le parking de juste à côté du parking de Gamme Vert à Limoux. Ouais, je vois, ouais. Et là, c'est des camping-cars qui sont garés là. C'est des gens qui sont de passage ou des gens qui habitent. Alors il y a les deux. Il y a des gens de passage avec des camping-cars souvent plutôt un peu neufs, quoi. Hein, des camping-cars en bon état. Et il y a aussi des gens qui vivent dedans, qui vivent dans des camions. Souvent parfois à l'année voilà. Ouais. Donc c'est intéressant, c'est quand même un lieu où il y a pas mal de mixité quoi hein. Tout le monde se côtoie là-bas, ça se passe très bien enfin, ça se passait très bien parce que du coup ben voilà c'est en fait on pourrait dire que c'était un espace de vie avec aussi ses règles, son fonctionnement et tout ça ça va être mis à ras pour en faire un espace payant et qui va être géré par une société privée. Et qu'est-ce que le payant procure de plus alors à l'utilisateur ? Alors soi-disant ça va être pour proposer des services en plus, mais fondamentalement je pense que ça va surtout permettre de faire entrer des sous. C'est plus une taxe alors ouais, comme c'est un parking payant quoi. Voilà. Il n'y aura pas, on va dire, des facilités comme des bornes électriques ou je sais pas. Alors, possible qu'il y ait quelques services supplémentaires, en sachant qu'à l'heure actuelle, les services sur cette aire sont assez rudimentaires. Sur ces aires de stationnement, il y a, je crois, quelque chose pour les eaux usées, il me semble. Hein. Et il n'y a pas de toilette. On est sur du... C'est simplement un parking mis à disposition avec le strict minimal, quoi. Ouais, minimum, pardon. Donc, et l'autre emplacement à Limoux, c'est... Alors, l'autre emplacement, je le connais pas. Donc, ça va subir la même... Alors, cela dit, j'ai les informations dessus. Je vais pouvoir te dire ça. Voilà, alors... Donc ça c'est l'article que j'ai pioché sur le sujet en sachant que j'en ai trouvé qu'un. Donc, c'est pas pour faire un peu de paranoïa mais en sachant, alors je précise quand même parce que ça c'est vraiment intéressant, l'article est intitulé Limoux, nouvelle maison des associations dans l'ancien local académique. Donc si bien que l'information est restée complètement inexistante cas pour le grand public quoi. Hein. Ah, il n'y a pas eu de communication. Ah, il n'y a eu aucune communication voilà, donc il y a une petite partie sur les. Il y a une petite. Dans l'article qui était, je crois, dans. C'est soit la Dépêche, soit l'Indépendant. Il y a une petite partie sur la maison des associations. Et ensuite, donc la suite de l'article, c'est dorénavant, les deux aires de camping-car seront payantes. Donc les aires de camping-car de la rue Louis Braille. Comportant 28 emplacements à côté de Gamme Vert et 18 sur l'aire mixant camping et camping de l'avenue Salvador Allende seront exploités par la société Camping Car Park. Voilà. Cette société aura en charge l'installation et l'exploitation des deux aires devenues payantes. Camping Car Park a conventionné avec la ville pour 7 ans. Ah ouais, alors Camping Car Park, ouais, c'est une boîte. Exactement, voilà, qui j'ai regardé donc sur internet ce que ça donne. Bon, c'est ça, hein, ils ont quand même. Ils gèrent un bon nombre d'aires de stationnement en France. Et. Donc voilà, c'est une boîte privée qui. Ouais, donc c'est une boîte qui a dû faire son marketing et. Peut-être contacter la mairie de Limoux et lui montrer les avantages d'un tel système, peut-être, ouais. Probablement, ouais. Alors après, j'en ai discuté avec avec des personnes qui habitent dans les camions sur le parking. Et donc, leur réponse était un peu unanime. Ouais, donc jusqu'ici, il y avait quand même eu cette volonté de la mairie de conserver ce parking gratuit, quoi. Enfin, les deux aires, en tout cas. Ah ouais. D'accord, donc là, ouais. C'est vraiment un revirement qui est très dommage, parce que du coup, ça fait que les usagers de ce parking temporaire ou qui peuvent y rester plus longtemps. Mais moi, je pensais, pareil, il y a un emplacement où c'est une grande prairie, et de temps en temps, il y a tout un tas de caravanes. Je pense que c'est des nomades qui viennent s'installer là. Tu vois ce... Oui, je vois cet endroit. Là, il n'y a pas de changement, a priori. Hein. Ouais. Enfin, en tout cas. Il y a toujours. Est-ce que cet espace peut être une base de repli pour justement les. Je sais pas, parce que c'est vrai que. Les utilisateurs. Ouais. C'est pas le même public. Donc, à voir, quoi. Enfin. Possible. Après, il y a des zones de repli, hein. Ouais. Mais le problème, c'est un empiétement supplémentaire sur un espace public, quoi. Donc, alors c'est pour ça que d'ailleurs j'ai été distribué après avoir tenté de mobiliser un peu du monde, bon, sans grand succès, hein, je vais le dire. J'ai été distribué des tracts sur le parking de Game Vert, un tract sur le parking de Game Vert intitulé Halte à la privatisation de l'espace public à Limoux. Bon, c'est ça qui me paraît important. Alors évidemment. C'est pas. Oui, parce que ouais, après, on va voir une escalade, peut-être dans ce genre de pratique, quoi. On pourrait imaginer, par exemple, des jeux pour enfants avec entrée payante ou. Mais bien sûr, ouais. Tout est possible. Tout est possible et tout n'est peut-être pas si loin que ça. Enfin. On peut imaginer les plages par exemple qui deviendraient payantes, hein, comme c'est le cas dans certains pays. Ouais. À l'heure actuelle, je pense que le droit du littoral, enfin, plutôt limitera ce genre de dérive. Mais voilà, il suffit. Si on ne protège pas, à mon avis, si on ne protège pas nos droits à ce niveau-là, la gratuité étant un des éléments, parce que si t'es obligé de payer, t'es plus libre d'accéder à. Un espace commun. Exactement. Libre. Ouais. En sachant que là, bon, je parlais tout à l'heure du fait que ça soit un service. Le service, il est minimum. Et je pense que ça, c'est un élément important. Parce que du coup, ça veut dire que, en fait, il n'y a même pas l'argument du ah ouais, mais on procure un service quand même qui coûte cher, donc on attend, on a besoin d'être payé pour assurer la pérennité du service. Là, même pas, c'est une aire qui existe déjà, qui est sur laquelle on pouvait jusqu'ici circuler librement, et d'un coup, bam, ça y est, ça va être fermé, on peut plus y circuler et y stationner librement, quoi. Ouais, comme une place de parking. Dans une rue, une place de parking payante, un parking payant. Ouais, exactement. Bon, on va continuer sur ce sujet et on s'écoute là tout de suite maintenant un petit morceau du groupe Erez Martinique. C'est le premier morceau du label Les Potagers Nature. C'est parti. We'll be right back. Et c'est reparti sur Radio Balade 101.8. Vous êtes sur l'émission Entrée sans payer. Une émission qui est entièrement consacrée à la gratuité et à la culture libre. Gratuité qui est fort heureusement qui se développe dans plein de secteurs, mais qui se réduit aussi dans d'autres secteurs. Donc on en a parlé pendant la première partie de l'émission, donc sur aujourd'hui le stationnement qui devient payant et la circulation hein, à travers par exemple bah, les péages d'autoroute. Il y a il me semble qu'il y a des une menace dans certains cas, par exemple, de faire payer les autoroutes en Bretagne. Hein, je sais pas, c'est un truc qui revient fréquemment, je crois, hein, sur le. Ah bon, ouais. Ouais. Alors bon, ouais, je suis pas. Oula, là-bas, les autoroutes sont gratuites en Bretagne. Ouais, en Bretagne, elles sont gratuites. Il y a des régions comme ça, ouais, c'est par région. Des régions qui se prêtent plus. Ouais. Bah, c'est sûr que les autoroutes, pendant les vacances, les autoroutes du sud, du soleil, là, elles font. C'est la cagnotte, hein. Ah ouais, c'est la cagnotte, hein. Ouais, bah après, voilà, c'est ça. C'est, donc, jusqu'à quel point l'argument du. Oui, on a beaucoup de coûts, donc on veut assurer un très bon service. Jusqu'à quel point cet argument. Est réel et aussi d'ailleurs jusqu'à quel point le service va être à la hauteur, parce qu'on est quand même souvent sur des on est de base dans des positions de monopole quoi hein. Donc jusqu'à quel point enfin honnêtement le service sur les autoroutes il est quand même il y a rien d'extraordinaire quoi hein. Bon j'imagine que l'entretien des voies doit relever d'une ingénierie quand même assez lourde mais. Ouais, bon, alors là, on s'éloigne du parking de Limoux, mais... Un petit peu. On s'en éloigne, mais... Moi, je pensais à la sociologie des... Comment ça, des utilisateurs de camping-car, quoi, ou de ceux qui nomadisent, on va dire, dans leur véhicule. Je pensais qu'il y en avait plusieurs catégories qui, peut-être, se mélangent pas trop, en fait... Je pensais, j'en vois trois comme ça intuitivement. Là, je vois les retraités qui vivent dans leur camping-car. Il y a les gitans, les romanichels, ceux qui se déplacent, les forains. Oui. Et les travelers, un peu genre hippie. Voilà. Ouais, t'as raison, alors, je pense que ça brosse bien un bon paysage sociologique, quoi. Ouais, ouais. Et donc, ils n'ont pas tous les... Mais ils ont peut-être des points, on va dire, de stationnement différents. Et je pense que le système... qui veut être implanté à Limoux, ça favorise, enfin c'est destiné aux retraités en fait, plus qui ont plus de moyens, et qui peuvent se permettre de payer pour être peut-être entre eux. Alors voilà, ça va générer un entre-soi quoi. Oui voilà. Ouais. Alors il y a cet aspect-là, effectivement, oui, mais bon, peut-être que l'idée aussi, c'est justement de mettre une catégorie en dehors du centre-ville, hein. Enfin, d'éloigner, on va dire. Du moins, alors moi, je répète ce que, en allant voir les travelers, donc ce qu'ils m'ont, les arguments qu'ils m'ont avancé. Selon eux, c'est un peu ça, hein, l'idée. Ouais. Et ils m'ont fait part, bon, là, je relate des témoignages, ils m'ont fait part aussi du fait qu'ils sont vraiment enquiquinés en permanence pour pouvoir stationner. Ah ouais, plus en plus, ouais. Ah ouais, de plus en plus, ouais. Mais après, on a le même phénomène, par exemple, dans le camping. Je crois que ça. Il me semble que ça a commencé à partir des années 70. C'est-à-dire, on va réprimer de plus en plus le camping sauvage pour finalement mettre en place des. Pour après il y a des campings privés qui vont accueillir les personnes qui ne peuvent plus faire de camping sauvage. Et donc on se retrouve avec une activité qui, au final, devient presque intégralement payante, quoi. Je sais pas si j'étais clair. ouais. Ouais. Donc voilà, c'est ça aussi le risque. C'est finalement tout ce qui est free camping, que ça soit progressivement attaqué, quoi. Le free camping, ouais, il se confinerait donc dans les randonnées, dans les espaces naturels où forcément il n'y a pas de camping. Voilà, où le coût de contrôle est trop. Oui, après, oui, il faut contrôler, ouais, tout ça. Est trop élevé. Bon, ça va être de temps en temps, on met une prune pour dissuader. Mais disons, alors, après, on a le droit, d'une manière générale, en France tout au moins, de bivouaquer. Alors, les textes de loi sont plus ou moins. Ouais, il suffit flous. De voir à Paris tous les bivouacs qu'il y a sur les périphériques. Ouais. Oui, ça, c'est des bivouacs de long terme. Oui, bah voilà, après, il faut voir aussi jusqu'à quelle vitesse ces campements de fortune peuvent être expulsés, quoi. Enfin, et puis avec quelle violence, quoi. Ouais. Ouais, c'est quand même quelque chose de... Enfin, voilà, il y a le droit de stationnement aussi. Alors évidemment, c'est le stationnement des véhicules, mais même le droit aussi d'habiter sur des parcelles de la terre, quoi. En général, ce droit est de plus en plus bafoué aujourd'hui dans les sociétés modernes, quoi. Alors évidemment, c'est quand on parle de le camping, ne propose pas les mêmes conditions d'habitation, hein, mais il y a aussi après toute la répression qui se fait autour des habitats comme les yourtes, comment ça s'appelle déjà les tipis. Ouais, voilà, les habitats légers, je crois. Hein. Ouais. Donc il y a tout un ensemble de lois qui ont été votées. Je vais peut-être dire une bêtise, mais au cours des 10 dernières années. 10-20 dernières années, et qui vraiment rendent de plus en plus difficile ce type d'habitation, même sur son... sur son propre terrain. Même sur son propre terrain, quoi, ce qui est quand même fou. Alors, ne parlons pas de l'espace public, quoi. ouais. Quels sont les ressorts qui sont derrière ces lois? Voilà une question qu'on pourra aborder un jour, peut-être pas maintenant. Ouais, n'allons pas trop loin, mais il y a quand même... Je lis la suite de l'article, donc qui... Alors voilà, j'ai la suite, là, c'était bien dans la Dépêche du Midi. Donc ce petit article invisible qui nous annonçait, daté, hein, je précise tout de même, avant que tout le monde se fasse virer... qui était daté, que je dise pas de bêtises, j'ai pas la date, mais en gros c'était daté du mois de mars là, 25 mars voilà, 2021, donc environ une semaine ou deux avant que les personnes qui soient sur ces parkings soient expulsées du parking. Donc la fin de l'article termine par les deux sites seront équipés de dispositifs de sécurité, voilà. Dispositif de sécurité, ouais, c'est ça, ouais. Ça sera un équipement, ouais. Contre un loyer versé à la ville. Donc on s'imagine qu'il y a quand même un intérêt, la ville espère en tirer un bénéfice, quoi. Enfin, vendre. En gros, elle est en train de. Bien sûr, ouais. De faire de son domaine, du domaine public, une sorte de domaine privé, entre guillemets, quoi. Qui va au même titre que. Elle pourrait. Je sais pas, rendre, admettons, elle va louer une partie de son domaine, quoi. Ouais. Les nouveaux tarifs d'occupation pour les touristes ou personnes de passage, bon, je vois pas trop la différence, mais seront connus ultérieurement dès la mise en service des deux aires après travaux. Donc voilà. Bon, l'article a rien de extraordinaire, ouais. Mais voilà, c'est. Ouais, bah, la décision a été prise, c'est voilà. Le système est enclenché, je sais pas ce qu'une pétition pourra... Pas grand chose, je pense. Changer, ouais. Non, de même que la distribution des tracts, mais voilà, c'est aussi pour sensibiliser sur la question. À savoir que il faut protester systématiquement quand on menace de privatiser le domaine public, quoi. Faut voir les termes du contrat après. Quel genre d'équipement de sécurité, qu'est-ce que ça. C'était quoi, des barrières Après, cela dit, moi, à la limite, je pense que c'est pas un problème qu'il y ait des accueils pour camping-car de ce type-là, mais que ça soit pas fait au détriment de l'espace public. C'est-à-dire, ils auraient très bien pu laisser cette aire de stationnement libre avec un service minimal. Ouais. Et après, ouvrir éventuellement une autre aire de camping-car en rachetant un terrain privé, c'était tout à fait envisageable, ça. Tout à fait, ouais. D'autant que bon, la mairie peut préempter des terrains dans le cadre d'une revente. Ou... Enfin, je sais pas. Là, et pour l'avoir pour une somme assez dérisoire, quoi. Ouais, là, je pense que le terrain, quand même, est proche du centre-ville. Ça, c'est ce qui fait son intérêt. Et que le centre-ville, il n'y a pas tellement de place comme ça, de parking, quoi, en fait, à Limoux. À part, il y a les bords de l'eau, de... Ouais, effectivement. Alors, cela dit, ce qui est quand même intéressant de... Alors, là encore... Il y avait le camping qui a été dévasté par les inondations. Ouais, en effet. Je sais pas quel est son statut actuel. Le camping, par exemple. Mais bon, c'est pareil, hein, on est sur un espace qui est quand même... libre d'accès, quoi. Donc là, alors je sais pas, parce qu'il parle de zone sécurisée, donc c'est même pas dit que ça soit encore accessible aux piétons. Je sais pas, mais peut-être qu'il faudra, on pourra rentrer qu'avec un badge ou à voir. Plusieurs niveaux de sécurité. Ouais. Il y aura des miradors partout autour, des camping-cars surarmés prêts. Oui. C'est quand même. Alors moi, ça me fait penser à quelque chose d'autre, bon, qui pareil est assez éloigné de Limoux, mais où on observe le même phénomène. J'ai pu l'observer depuis plusieurs années. C'est pareil, la privatisation du stationnement sur le canal du Midi. Ah. Alors là, on est sur un. On n'est pas sur une gestion privée, ça reste une gestion publique, par un organisme public, mais clairement, il y a la volonté de rendre le stationnement payant. Je crois qu'il y a certains ports aménagés qui sont probablement confiés à des sociétés privées. Mmh. Mais disons que maintenant, le simple fait de faire stationner son bateau sur les berges du canal... Ouais. Ce qui est pas trop envisageable à Limoux, hein, mais même si l'eau est juste à côté. Bon, là, on se déplace vers Carcassonne. Voilà, ouais, à Carcassonne. Ouais. Mais c'est devenu payant aujourd'hui et c'est pas donné. Voilà. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que on a un peu le même phénomène. Il y a effectivement sur les bateaux. Alors, je rajouterai une catégorie sur le stationnement sur lequel les canaux en général. Il y a des propriétaires de bateaux qui en gros posent leur bateau pour pouvoir le mettre à hiverner, enfin en repos, quoi. On pourrait dire. Il y a aussi des travelers qui vivent sur les bateaux. Il y en a en fait beaucoup. Ouais. Il y a aussi des péniches de tourisme. Oui. Voilà, donc toutes ces catégories se retrouvent aujourd'hui à devoir payer. Et alors, ce qui est problématique, c'est vraiment pour les personnes qui vivaient sur leur bateau, qui se retrouvent vraiment coincées aujourd'hui à être pourchassées de plus en plus des zones. Elles sont obligées de se regrouper ensemble et d'aller se cacher, entre guillemets, pour éviter d'être taxées, quoi. Ouais, je vois ça un peu comme un des effets de l'industrie du tourisme, finalement. C'est vrai. On pourrait voir même ça comme une sorte de pollution. inhérente à cette industrie, quoi, finalement, ouais, c'est ouais, ça. Bien sûr, ouais, ouais. Ouais, d'autant plus que, bon, les pénis, en ce qui concerne le canal du Midi, les péniches de tourisme sont quand même relativement polluantes, hein, parce que c'est des péniches... ouais, je voyais pas une pollution, comment dire... Oui, pas nécessairement une pollution environnementale. Pas ouais, c'est, oui, qui touche pas, on va dire, à la biologie... du milieu de la source quoi du milieu une pole comme à l'envahissement d'une espèce au détriment d'autres quoi voilà mm-hmm. Ouais, ouais, un, ouais, peu, ouais. Un peu ce phénomène là quoi on va dire si mm. on veut faire une analogie biologique quoi ouais bon bah Oh là là. Ouais, ouais, ouais. Il faut vraiment. Bah, ouais, ouais, il faut pas baisser la garde sur ce genre de. Ouais. Sur ce genre d'avancée bah, du payant. Ouais. Alors, parce que là, avec le canal du Midi, donc, je précise quand même un point, c'est que j'ai bien précisé que ça reste une gestion publique, mais pour l'usager, ça change pas grand chose. Voilà, on pourrait penser, ouais, c'est quand même le problème, là, c'est qu'il confie à une société à une société privée. Ouais, ouais, ça... Peut-être pour les économistes, ils arrivent à y trouver une différence. Moi, personnellement, je vois pas trop, mais... Ouais. Alors... Il y en a sûrement une, quoi, mais... Non, parce que je pense qu'il faut toujours raisonner du point de vue de l'usager, quoi. Oui. Nous, qu'est-ce que ça va nous priver comme liberté ? Bien sûr, ouais. Voilà, ouais. Okay. Faut voir, analyser, disons, la rareté des. La rareté et l'abondance relative des éléments. Oui, exactement. Est-ce que vraiment on est sur une privatisation qui va s'appuyer sur la rareté ou juste sur une position de monopole quoi aussi ouais. À savoir et bon par définition l'État dans certains domaines est quand même dans une position de monopole quoi. Ouais. Donc, ouais. Et voir s'il n'y a pas d'autres valeurs ouais donc à promouvoir quoi. Bien sûr. Alors j'avais sur le tract donc que je distribuais à Gamme Vert et je vous passe les commentaires des. Des personnes qui l'ont lu, certaines n'étant pas spécialement aimables, alors ça a été oh, je m'en fous, moi plusieurs fois. Donc en fait, j'en ai distribué quelques-uns, puis après, je suis parti les mettre dans les boîtes aux lettres parce que je me suis dit, ça sert à rien de se. ça sert à rien de perdre quelques semaines d'espérance de vie en s'énervant trop. Quoi. Donc j'ai mis l'installation de vrais services gratuits, toilettes publiques, barbecue, table de pique-nique, parc de jeux, etc. à proximité des aires qui améliorent la vie des Limouxins et l'accueil des voyageurs. Bon, voilà, hein, c'est... Ouais, ouais, bah tout simplement faire des zones où on est la liberté de stationner, la liberté de rigoler, la liberté de s'amuser. Ouais, ouais, des ouais. espaces de vie, quoi. Des espaces de vie, voilà. Et pas des espaces où ce qu'on pense, c'est ouais, combien il va mettre, quelle est la valeur de son porte-monnaie. Voilà, voilà. Bon bah on vous quitte sur cet espoir de changement et on va s'écouter un morceau aujourd'hui un petit peu long qui s'appelle La Couleur. Allez c'est parti, ça dure une vingtaine de minutes, attention vos oreilles, c'est parti. Et pour les prochaines émissions on abordera le thème de la nourriture gratuite. Alors ne manquez pas de venir avec un bon sandwich ou ce que vous voulez. Voilà, allez à bientôt, ciao ciao. We'll be right back.